Chapitre 6e. Deux jours se passèrent, pendant lesquels je consacrais toutes mes heures libres à courir la ville. Je faisais aussi de longues stations sur le pont qui unit les deux rives du Danube à l'île Svendor, et ne me lassais pas d'admirer ce magnifique fleuve. Je labourais, le nom de Wilhelm Storitz me revenait malgré moi fréquemment à l'esprit. C'était donc à Rags qu'il demeurait d'habitude, et ainsi que je l'appris bientôt, avec un seul serviteur connu sous le nom d'Hermann, ni plus sympathique, ni plus abordable, ni plus communicatif que son maître. Il me sembla même que cet Hermann rappelait par sa tournure et sa démarche l'homme qui, le jour de mon arrivée, avait paru nous suivre, mon frère et moi, tandis que nous longions le quai Batiani. J'avais cru devoir ne rien dire à Marc de la rencontre que le capitaine Aralan et moi nous avions faite sur le boulevard Tekeli. Peut-être cela l'eût-il inquiété de savoir que Wilhelm Storitz était revenu à Rags. Pourquoi obscurcir son bonheur du nombre d'inquiétudes? Mais je regrettais que ce rival et conduit ne fût pas absent de la ville, tout au moins jusqu'au jour où le mariage de Marc et de Mira serait un fait accompli. Le 16, dans la matinée, j'allais descendre pour ma promenade habituelle, que je comptais ce jour-là prolonger à travers la campagne, aux environs de Rags, lorsque mon frère entra dans ma chambre. « J'ai fort à faire, mon ami, me dit-il, et tu ne m'en voudras pas si je te laisse seul. »« Va, mon cher Marc, lui répondis-je, et ne t'occupe pas de moi. »« Aralan ne doit-il pas venir te prendre ?»« Non, il n'est pas libre, mais peu importe. J'irai déjeuner seul dans quelques cabarets sur l'autre rive du Danube. »« Surtout, mon cher Henri, sois revenu à 7 heures. » La table du docteur est trop bonne pour que je puisse l'oublier. Gourmand, j'espère que tu n'oublies pas davantage la soirée qui sera donnée après-demain à l'hôtel. Tu pourras en profiter pour étudier la haute société de Rags. Une soirée de fiançailles, Marc? Si tu veux, mais plutôt de contrat. Il y a longtemps que ma chère Mira et moi sommes fiancés. Il me semble même que nous l'avons toujours été. Oui, de naissance. Peut-être bien. Adieu donc, ô le plus heureux des hommes. Tu es trop pressé. Tu me diras cela quand ma fiancée sera ma femme. Marc se retira après m'avoir serré la main, et j'étais sur le point de partir lorsque le capitaine Aralan parut. J'en fus assez étonné, puisqu'il était convenu que je ne devais pas le voir ce jour-là. Vous ? M'écriai-je. Eh bien, mon cher capitaine, voilà une agréable surprise. Me trompais-je, mais il me sembla que le capitaine Aralan était soucieux. Il se contenta de me répondre. « Mon cher Vidal, mon père désire vous parler. Il vous attend à l'hôtel. »« Je suis à vous, » répondis-je, fort surpris, inquiet même, sans trop savoir pourquoi. Tandis que nous suivions côte à côte le quai Batiani, le capitaine Aralan ne prononça pas une parole. Que se passait-il donc? Et quelle communication le docteur Rodrigue pouvait-il avoir à me faire? S'agissait-il du mariage de Marc? Dès que nous fûmes arrivés, le domestique nous introduisit dans le cabinet du docteur. Madame et Mademoiselle Rodrigue avaient déjà quitté l'hôtel et, probablement, Marc devait les rejoindre au cours de leur promenade matinale. Le docteur était seul dans son cabinet, assis devant sa table. Lorsqu'il se retourna, il me parut aussi soucieux que son fils. « Il y a quelque chose, » pensais-je, et assurément Marc n'en savait rien quand je l'ai vu ce matin. Je pris place dans un fauteuil en face du docteur, tandis que le capitaine Aralan restait debout, accoudé à la cheminée, puis j'attendis, non sans anxiété, que le docteur m'adressât la parole. « Tout d'abord, monsieur Vidal, me dit-il, je vous remercie d'être venu à l'hôtel. »« Je suis tout à vos ordres, monsieur Rodrigue, » répondis-je. J'ai désiré causer avec vous en présence d'Aralan. S'agit-il du mariage de Marc et de Mademoiselle Mira? En effet. Ce que vous avez à me dire est donc bien grave. Oui et non, répondit le docteur. Quoi qu'il en soit, ni ma femme, ni ma fille, ni votre frère ne sont au courant. J'ai préféré leur laisser ignorer ce que je vais vous apprendre. Vous pourrez d'ailleurs juger si j'ai eu tort ou raison. Instinctivement, il se fit un rapprochement dans mon esprit entre cette communication et la rencontre que le capitaine Aralan et moi nous avions faite devant la maison du boulevard Tekeli. « Hier, dans l'après-midi, reprit le docteur, alors que Madame Roderich et Mira étaient sorties à l'heure de ma consultation, le domestique m'a annoncé un visiteur que j'eus souhaité ne pas recevoir. Ce visiteur était Wilhelm Storitz. Mais peut-être ignorez-vous que cet Allemand... Je suis au courant, répondis-je. Vous savez donc qu'il y a près de 6 mois, bien avant que la demande de votre frère eût été faite et accueillie, Wilhelm Storitz a sollicité la main de ma fille. Après avoir consulté ma femme et mon fils, qui partagèrent mon éloignement pour un tel mariage, je répondis à Wilhelm Storitz qu'il ne pouvait être donné suite à sa proposition. Au lieu de s'incliner devant ce refus, il renouvela sa demande en termes formels, et je lui répétai, non moins formellement, ma réponse de manière à ne lui laisser aucun espoir. Tandis que parlait le docteur Roderich, le capitaine Aralan allait et venait à travers la pièce et s'arrêtait parfois à l'une des fenêtres pour regarder dans la direction du boulevard Tekeli. Monsieur Roderich, dis-je, j'avais eu connaissance de cette demande et je savais qu'elle s'était produite antérieurement à la demande de mon frère. « À peu près 3 mois avant, monsieur Vidal. »« Ainsi, repris-je, ce n'est pas parce que Marc était déjà agréé que Wilhelm Storitz s'est vu refuser la main de mademoiselle Mira, mais uniquement parce que ce mariage n'entrait pas dans vos vues. »« Assurément. Jamais nous n'aurions consenti à cette union qui ne pouvait nous convenir sous aucun rapport, et à laquelle Mira eût opposé un refus catégorique. » Est-ce la personne ou la situation de Wilhelm Storitz qui vous a dicté cette résolution ? Sa situation est probablement assez belle, répondit le docteur Roderich. On croit volontiers que son père lui a légué une fortune considérable, due à de fructueuses découvertes. Quant à sa personne... Je le connais, monsieur Roderich. Vous le connaissez ? Je racontais dans quelles conditions j'avais rencontré Wilhelm Storitz sur la Dorothée, sans me douter alors de qui il s'agissait. Pendant plus de 4 jours, cet Allemand avait été mon compagnon de voyage entre Budapest et Vukovar, où je pensais qu'il avait débarqué, puisqu'il ne se trouvait plus à bord lors de mon arrivée à Rax. Et enfin, ces jours-ci, ajoutai-je, pendant une de nos promenades, le capitaine Aralan et moi nous sommes passés devant sa maison et j'ai reconnu ce Wilhelm Storitz au moment où il en sortait. On disait pourtant qu'il avait quitté la ville depuis 2 semaines, dit le docteur Roderich. On le croyait, et il s'est évidemment absenté, puisque Vidal l'a vu à Budapest, intervint le capitaine Aralan. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est revenu. La voix du capitaine Aralan dénotait une grande irritation. Le docteur reprit en ces termes. Je vous ai répondu, monsieur Vidal, sur la situation de Wilhelm Storitz. Quant à son existence, qui se flatterait de la connaître ? Elle est absolument énigmatique. Il semble que cet homme vive en dehors de l'humanité. N'y a-t-il pas là quelque exagération ? Fis-je observer au docteur. Quelque exagération, sans doute, me répondit-il. Cependant, il appartient à une famille assez suspecte, et avant lui, son père, Otto Storitz, prêtait aux plus singulières légendes. Qui lui ont survécu, docteur, si j'en juge par ce que j'ai lu dans une gazette à Budapest. C'est à propos de l'anniversaire qui est célébré tous les ans à Spremberg, dans le cimetière de la ville. À en croire cette gazette, le temps n'a point affaibli les superstitieuses légendes auxquelles vous faites allusion. Le savant mort a hérité du savant vivant. C'était un sorcier, dit-on, qui possédait des secrets de l'autre monde et disposait d'un pouvoir surnaturel. Chaque année, on s'attend, paraît-il, à voir quelques phénomènes extraordinaires se produire autour de sa tombe. « Donc, monsieur Vidal, conclut le docteur Roderich, vous ne vous étonnerez pas, d'après ce qu'on raconte à Spremberg, si à Rax, ce Wilhelm Storitz est regardé comme un personnage étrange. Tel est l'homme qui a demandé la main de ma fille et qui, hier, a eu l'audace de renouveler sa demande. Hier ? M'écriai-je. Hier même, pendant sa visite. Et ne fût-il pas ce qu'il est, dit le capitaine Aralan, il resterait encore que c'est un Prussien, et cela eût suffi à nous faire repousser une pareille alliance. Toute l'antipathie que, par tradition et par instinct, la race magyare éprouve pour la race germanique éclatait dans ses paroles. Voici comment les choses se sont passées, reprit le docteur Roderich. Il est bon que vous le sachiez. Lorsque Wilhelm Storitz me fut annoncé, j'hésitais. Fallait-il l'introduire près de moi ou lui faire répondre que je ne pouvais le recevoir ? Peut-être cela eût-il été préférable, mon père, dit le capitaine Aralan, car après l'insuccès de sa première démarche, cet homme aurait dû comprendre qu'il lui était interdit de remettre les pieds ici sous quelque prétexte que ce soit. Oui, peut-être, dit le docteur, mais j'ai craint de le pousser à bout et qu'il s'en suivît quelque scandale. Auquel j'eusse mis promptement terme, mon père. Et c'est précisément parce que je te connais, dit le docteur, en prenant la main du capitaine Aralan. C'est pour cela que j'ai préféré agir avec prudence. À ce propos, quoi qu'il puisse arriver, je fais appel à ton affection pour ta mère, pour moi, pour ta sœur, dont la situation serait très pénible si son nom était prononcé, si ce Wilhelm Storitz faisait un éclat. Bien que je ne connusse le capitaine Aralan que depuis très peu de temps, je le jugeais de caractère très vif et soucieux jusqu'à l'extrême de ce qui touchait à sa famille. Aussi considérais-je comme déplorable que le rival de Marc fût revenu à Rags et surtout qu'il eût renouvelé sa demande. Le docteur acheva de nous raconter en détail cette visite. C'était dans le cabinet même où nous étions en ce moment. Wilhelm Storitz avait tout d'abord pris la parole sur un ton qui témoignait d'une ténacité peu ordinaire. M. Rodrich ne pouvait, d'après lui, s'étonner qu'il eût voulu le revoir et qu'il eût désiré faire une seconde tentative dès son retour à Rags, retour qu'il faisait remonter à 48 heures. Le docteur s'était en vain montré très formel dans son refus. Wilhelm Storitz n'avait pas voulu se reconnaître battu, et en arrivant peu à peu au ton de la colère, il avait finalement déclaré que les fiançailles de mon frère et de Mademoiselle Mira ne sauraient le faire renoncer à ses prétentions, qu'il aimait la jeune fille et que si elle n'était pas à lui, elle ne serait jamais, du moins, à un autre. « L'insolent, le misérable !» répétait le capitaine Aralan. « Il a osé parler de la sorte et je n'étais pas là pour le jeter dehors. » « Décidément, pensais-je, si ces deux hommes se trouvent en face l'un de l'autre, il sera difficile d'empêcher l'éclat que redoute tant le docteur. » Ces derniers mots prononcés, poursuivit celui-ci, je me levai et signifiai que je ne voulais pas en écouter davantage. Le mariage de Mira était décidé et serait célébré dans quelques jours. « Ni dans quelques jours, ni plus tard, » répondit Wilhelm Storitz. « Monsieur, » dis-je, en lui montrant la porte, « veuillez sortir. » Tout autre que lui eût compris que sa visite ne pouvait se prolonger. Eh bien, il resta. Son ton baissa, il essaya d'obtenir par la douceur ce qu'il n'avait obtenu par la violence, tout au moins la promesse qu'il fût sursis au mariage. Alors j'allai vers la cheminée pour sonner le domestique. Il me saisit le bras, la colère le reprit, sa voix retentit au point qu'on devait l'entendre du dehors. Heureusement, ma femme et ma fille n'étaient pas encore rentrées à l'hôtel. Wilhelm Storitz consentit enfin à se retirer, mais non sans proférer des menaces insensées. Mira n'épouserait pas Marc. Il surgirait de tels obstacles que le mariage serait impossible. Les Storitz disposaient de moyens qui pouvaient défier toute puissance humaine, et ils n'hésiteraient pas à s'en servir contre l'imprudente famille qui leur poussait. Il ouvrit alors la porte du cabinet et sortit furieusement au milieu de quelques personnes qui attendaient dans la galerie, me laissant très effrayé de ses énigmatiques paroles. Ainsi que le docteur nous le répéta, pas un mot de toutes ces scènes n'avait été rapporté ni à Madame Rodrich, ni à sa fille, ni à mon frère. Mieux valait leur épargner cette inquiétude. D'ailleurs, je connaissais assez Marc pour craindre qu'il ne voulût donner une suite à cette affaire, tout comme le capitaine Aralan. Ce dernier se rendit cependant aux raisons de son père. « Soit, dit-il, je n'irai pas châtier cet insolent. Mais si c'est lui qui vient à moi, si c'est lui qui s'en prend à Marc, si c'est lui qui nous provoque. » Le docteur Rodrich ne sut que répondre. Notre conversation prit fin. Dans tous les cas, il fallait attendre. L'incident n'aurait aucune suite, en effet, et demeurerait ignoré de tout si Wilhelm Storitz ne passait pas des paroles aux actes. Or, que pouvait-il ? Quel moyen avait-il d'empêcher le mariage ? Serait-ce en obligeant Marc, par une insulte publique, à se rencontrer avec lui ? ne serait-ce pas plutôt en exerçant quelque violence contre Mira Rodrich? Mais comment parviendrait-il à pénétrer dans l'hôtel où il ne serait plus reçu? Il n'était pas en son pouvoir, j'imagine, d'enfoncer les portes. D'ailleurs, le docteur Rodrich n'hésiterait pas, s'il le fallait, à prévenir l'autorité qui saurait bien mettre cet Allemand à la raison. Avant de nous séparer, le docteur adjura une dernière fois son fils de ne point prendre à partie cet insolent personnage, et je le répète, ce ne fut pas sans peine que se rendit le capitaine Aralan. Notre entretien s'était assez prolongé pour que Madame Rodrich, sa fille et mon frère fussent rentrés à l'hôtel. Je dus rester à déjeuner, en sorte qu'il fallut remettre à l'après-midi mon excursion aux environs de Rags. Il va sans dire que j'imaginais une raison plausible pour expliquer ma présence ce matin-là dans le cabinet du docteur. Marc n'eut aucun soupçon et le déjeuner se passa très agréablement. Lorsqu'on se leva de table, Mademoiselle Mira me dit « Monsieur Henri, puisque nous avons eu le plaisir de vous trouver ici, vous ne nous quitterez plus de toute la journée. » « Et ma promenade, objectai-je, nous la ferons ensemble. » « C'est que je comptais aller un peu loin. » « Nous irons un peu loin. » « À pied, à pied. » « Mais est-il nécessaire d'aller si loin ?»« Je suis sûr que vous n'avez pas encore admiré dans toute sa beauté l'île Svendor. » « Je devais le faire demain. » « Eh bien, ce sera pour aujourd'hui. » C'est donc en compagnie de ces dames et de Marc que je visitais l'île Svendor transformée en jardin public, une sorte de parc avec bosquets, chalets et distractions de toutes sortes. Cependant, mon esprit n'était pas tout à cette promenade. Marc s'en aperçut, et je dus lui faire quelques réponses évasives. Était-ce donc la crainte de rencontrer Wilhelm Storitz sur notre route? Non. Je songeais plutôt à ce qu'il avait dit au docteur Rodrich. Il surgirait de tels obstacles que le mariage serait rendu impossible. Les Storitz disposaient de moyens qui pouvaient défier toute puissance humaine. Que signifiaient ces paroles? Fallait-il les prendre au sérieux? Je me promis de m'en expliquer avec le docteur lorsque nous serions seuls. Cette journée et celle du lendemain s'écoulèrent. Je commençais à me rassurer. On n'avait point revu Wilhelm Storitz. Toutefois, il n'avait point quitté la ville. La maison du Bouvard Tekeli était toujours habitée. En passant, je vis son domestique Hermann en sortir. Une fois même, Wilhelm Storitz apparut à l'une des fenêtres du belvédère, le regard tourné vers l'extrémité du boulevard, dans la direction de l'hôtel Rodrich. Les choses en étaient là, lorsque, dans la nuit du 17 au 18 mai, il arriva ceci. Bien que la porte de la cathédrale fût verrouillée, et que personne ne pût y entrer nuitamment sans être vu, l'affiche de mariage au nom de Marc Vidal et de Mira Rodrich fut arrachée du cadre des publications. Au matin, on en retrouva les morceaux déchirés et froissés. Le dommage fut aussitôt réparé. Mais une heure plus tard, en plein jour cette fois, la nouvelle affiche eut le sort de la précédente et trois fois de suite, au cours de cette journée du 18 mai, il en fut ainsi sans que l'on parvînt à mettre la main sur le coupable. De guerre lasse, on dut se résoudre à protéger par un fort grillage le cadre réservé aux publications. Cet attentat stupide fit marcher les langues quelques instants, puis on n'y pensa plus. Mais le docteur Rodrich, le capitaine Aralan et moi lui accordâmes plus sérieuses attentions. Nous ne mîmes pas un instant en doute que ce fut là le premier acte des hostilités annoncées, comme une escarmouche d'avant-garde, en quelque sorte, de la guerre que nous avait déclarée Wilhelm Storitz.